travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Moi, je peux parler des années folles, c'était vraiment les années folles. Parce que comme je travaillais en avril 1918, alors j'étais sténodactylo, mais vraiment j'ai commencé déjà à sortir, à fréquenter les Américains, enfin c'était déjà la coup de folie. Sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le bonheur reviendra. Il reviendra, n'en doutons pas. Mais chacun de nous ressent profondément que rien ne sera comme avant, une fois surmontée l'épreuve qu'il nous revient d'affronter collectivement. Les aspects que prendront ces temps prochains, nul prophète ne peut nous les dire à coup sûr. Mais ce devrait être un exercice stimulant que de se reporter vers une époque qui, voici un siècle, dut assumer les suites d'une formidable convulsion, la Grande Guerre de 1914-1918. Une convulsion qui fut bien plus ravageuse, certes, et le rapprochement, en dépit de divers propos martiaux récemment entendus, connaît ses limites. Il n'empêche que l'envie vient de considérer les années 20, celles qu'on a baptisées après coup du nom d'années folles, avec l'idée de restituer quelques-uns des mouvements puissants qui se dessinèrent alors et qui concernèrent toutes sortes d'aspects de la vie en société, en réaction aux douleurs qui venaient d'être partagées. Beaucoup de choses bougèrent alors, dans l'ordre des arts plastiques, de la littérature, de la musique, de l'architecture, du théâtre, de la danse, du cinéma, de la photographie, du sport, des médias, de la publicité, des spectacles de toute nature. Il s'est agi des formes de la féminité et des combats féministes. Il s'est agi de l'audace des avant-gardes et des formes de la fête dont on éprouva un désir si intense. Il s'est agi du goût nouveau de la vitesse sur terre et dans l'air. Il s'est agi, en somme, d'une décennie qui courut à toute allure. Myriam Juhan, maîtresse de conférence à l'université de Caen, Normandie, vient de consacrer à ces années qu'on a dites folles un livre stimulant. Nous allons nous efforcer d'en restituer avec elle les couleurs, les rythmes, les imaginations et pourquoi pas de rechercher dans leur spécificité même l'attrait qu'elles peuvent trouver dans la sombre période que nous vivons. Joseph Kessel, on aimerait assez vous demander d'être notre reporter des années 20, juste après la guerre, quand vous êtes arrivé ici. Ça ne me rajeunit guère, mais c'est avec joie que j'évoque ces années merveilleuses. Il faut se rendre compte que c'était pour les gens très jeunes, comme je l'étais, j'avais 21 ans, qui sortaient de la guerre, une espèce de paradis violent, déchaîné, presque dément, mais qui était à la mesure des sentiments de l'époque. On avait gagné la guerre, on était sûr que c'était la dernière, toute la vie s'ouvrait devant nous, et une vie dont on croyait qu'elle serait admirable. Et on trouvait là le monde entier, des grands vivants comme Kisling, comme Blaise Cendrars, comme Hemingway, et un bouillonnement d'idées, d'art, de confrontations, folles parfois, mais d'autant plus précieuses. On discutait en buvant, quand on avait de l'argent, jusqu'à 5-6 heures du matin, puis on allait au hall, les amitiés se nouaient, la bourse était commune, et c'était vraiment, je vous dis, une espèce de paradis d'une violence merveilleuse. Mais est-ce que ce n'était pas aussi une jeunesse qui avait à gagner sa guerre, après la guerre des autres? Oui, mais on pensait, tous étaient sûrs de la gagner. Beaucoup l'ont gagné, d'autres l'ont perdu, mais à cette époque-là, tout le monde était à égalité, et tout le monde était sûr, avec l'ardeur, la foi de la jeunesse, de la gagner. Donc, tout le monde était heureux. Car enfin, les années 20, sont quand même des années de révolte. Enfin, ce sont des années de révolte contre une certaine morale, contre une certaine forme de vivre contre une certaine forme de pain. C'est exact, et c'est ici, à Montparnasse, qu'était le creuset de cette révolte, et nous avions l'impression de l'avoir faite déjà. Myriam Juhan, bonjour. Bonjour. J'ai choisi cet extrait, ce témoignage de Joseph Kessel, parce qu'il me paraît combiner la véracité d'un témoignage et la tendresse d'un souvenir un peu nostalgique. C'est-à-dire qu'il nous situe exactement là où nous voulons être ce matin. C'est vrai que ce témoignage date du début des années 60, et c'est justement le moment où émerge ce qu'on peut appeler ce chrononyme d'année folle. Donc ce nom d'époque, cette manière de désigner cette période que Joseph Kessel a vécue, pour laquelle donc il éprouve une certaine nostalgie, et avec lui d'ailleurs d'autres Français et Françaises des années 60 qui parfois ne l'ont même pas toujours vécu même cette période. Et il y a un engouement des années 60 pour les années 20 auquel est associée justement l'émergence, enfin la cristallisation du chrononyme année folle pour désigner cette période que l'on regarde donc une quarantaine d'années après avec nostalgie et sur lequel on porte un regard assez positif, ce qui n'a pas été le cas de tous les contemporains en leur temps. Voici deux fois que vous employez le mot chrononyme. Il me semble qu'il faut peut-être l'éclairer, car il n'est pas encore absolument entré dans le langage courant. C'est un mot qui date d'ailleurs seulement de 1996. Il a été inventé par une linguiste suisse. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un nom de temps qui ne se contente pas d'identifier chronologiquement une période, mais qui la dote d'une coloration temporelle, après coup, une coloration spécifique. Est-ce que cette définition vous convient ? Oui, c'est ça. Il s'agit de recouvrir, de désigner une époque et en fait de la recouvrir sous un imaginaire social et culturel qui évidemment n'épuise pas cette époque, hein, mais dit quelque chose de cette époque et dit surtout quelque chose de ce qu'on en a retenu, de l'image qu'elle nous a léguée. Pour donner chair à cette formule, d'autres exemples, le printemps des peuples. Au mi-temps du 19e siècle, l'entre-deux-guerres, les années noires, les Trente Glorieuses, en Italie les années de plomb. Et la Belle Époque ? Et la Belle Époque, bien sûr, qui surgit dans sa dénomination à peu près de façon contemporaine, comme vous le disiez, au début des années 60. Je signale en passant que le très regretté Dominique Khalifa avait organisé un livre sur ce thème de restauration années de plomb, les noms d'époque, où d'ailleurs Emmanuel Retailleau, notre collègue, a donné un chapitre tout à fait remarquable à propos de nos années folles. Et pour éviter de rester exclusivement franco-français, on peut dire que d'autres pays ont eu aussi leur dénomination de ces années 1920. En Italie, c'est les Ruggenti Anni, c'est ça? Exactement. Et en allemand, je ne sais pas si vous parlez allemand, les Goldenen Zwanziger Jahre. Toujours de l'idée de l'or. En américain, enfin en anglais, les Roaring Twenties, cela évoque les Roaring 40, c'est-à-dire les 40e rugissants, c'est la zone de l'hémisphère sud, entre le 40e et le 50e parallèle. Ça évoque aussi un lion qui est de la même époque, le lion de la métro Goldwyn-Mayer, oui, que nous avons tous dans le regard et dans l'oreille. Tout à fait, la métro Goldwyn-Mayer qui fait partie des Big Five hollywoodiennes et qui apparaît en 1924, donc au cœur de ces Roaring Twenties. Vous observiez, Myriam Juhan, que la formulation, le chrononyme des années folles a surgi au début des années 60, et ce fait est aussi un sujet d'interrogation pour un historien au second degré. Bien sûr, donc les années 60 se regardent dans les années 20. On a le sentiment de vivre une forme de libération. La formule des années folles surgit à l'extrême fin des années 50, à moins même du début de la 5e République, dans le roman vrai de la 3e République, qui est dû à un journaliste historien, Guy Minot. Et ensuite, il y a un documentaire avec le même titre. Et puis, la chanson s'en empare. Je ne vous demanderai pas de chanter comme France Gall ou comme Robert Charlebois, mais tous les deux se sont emparés des années 20 pour en faire une chanson. Pourquoi à ce moment-là, à votre avis ? Une question de génération, peut-être ? France Gall, par exemple, elle est typique d'une génération qui ne les a pas connues, ces années 20, justement, mais qui se met un peu à les fantasmer comme un moment de libération, un moment où l'heure était à la fête, à une forme de jouissance que la génération, qui est celle du baby-boom, hein, qui sort de l'enfance, souhaite aussi, quelque part, revivre, ou en tout cas, dans laquelle elle peut se projeter. Quoi. Et cette fascination rejoint la nostalgie des personnes plus âgées qui arrivent au déclin de leur âge. Au déclin de leur âge, certains étant même en train de disparaître. Hein, c'est aussi un moment où certains des grands témoins de ces années folles disparaissent. Donc ce qu'on commence à appeler les années folles rentre vraiment dans l'histoire aussi quelque part. Elles s'éloignent de nous et du coup permettent aussi qu'on pose sur elles ce regard alors qui n'est pas décalé mais quelque part qui est sélectif, qui va se détacher de la réalité pour piocher des éléments constitutifs d'un imaginaire. avec cette tentation que l'on connaît pour chaque génération, quand on vieillit, de dire c'était mieux avant. Bien sûr. Tous les contemporains sexagénaires, septuagénaires des années 60 ou octogénaires n'ont pas tout à fait résisté à cette tentation. Ils projetaient en fait des fantasmes sur les années dont les plus jeunes et les plus anciens retenaient surtout le tapage et l'exubérance. C'est comme le montre bien Emmanuel Retailleau. La tentation de refouler la vérité historique que nous allons essayer de dégager. Voilà un programme que je vous propose. Et il y a d'abord les formes. Et chacun, pensant aux années 20, est tenté d'évoquer l'évolution des silhouettes féminines. Alors je vais vous donner à entendre le témoignage d'un coiffeur, le coiffeur Alexandre, qui parle de son collègue Antoine, et qui évoque l'origine de la coupe à la garçonne. C'est un extrait d'À tout cœur de Xavier Fauche sur Radio Bleu, le 4 avril 1986. Il va être aussi question de poux, vous allez voir. Quand l'Amérique est rentrée en guerre en 1917 et que les premières infirmières américaines sont arrivées sur le front, elles sont arrivées bien sûr avec leur opulente chevelure. Et ces femmes ont attrapé des poux. Oui. Et on n'arrivait pas à les débarrasser des poux. Donc, on a coupé tous les cheveux à ces Américaines. En Amérique, il y avait une nouvelle invention qui avait été faite par Monsieur Nestlé. Et c'était la nouvelle permanente frisure. Oui. Alors, on a fait des frisures à ces femmes et on a renvoyé toutes les Américaines les cheveux coupés avec ces permanentes. Et Chanel a découvert ça. Elle est allée voir Antoine, puisqu'ils étaient très complices et amis. Et elle a été une des premières. Et elle a dit à Antoine, tu vas me couper les cheveux, mais parce que moi, je veux en faire une mode. Elle et Gabrielle Dorzia, qui était sa grande amie, qui lui avait lancé tous ses chapeaux, elle est là. Donc là, il y a eu la première révolution, mais c'était une chose affolante. Chanel faisait couper les cheveux à toutes ses copines autour d'elle, mais ça s'arrêtait là. Une femme de bon ton, reçue dans le monde, n'aurait jamais osé couper les cheveux. Et vous pouvez dire que la bataille a été de 1917 en 1920. En 1920, la mode est venue qu'on a commencé à couper les cheveux devant et en gardant le chignon derrière. Monsieur Poiret avait fait déjà la révolution sur sa femme. Il avait enlevé tous les gâteaux en l'air. Il avait tiré tous les cheveux et mis le chignon à l'espagnol dans la nuque parce que il aimait ses femmes orientales. Alors Antoine a commencé à couper tous les cheveux aux femmes en faisant du Nestlé devant. Et petit à petit, et le scandale du livre de la garçonne a permis à Chanel d'en faire une autorité, c'est-à-dire de couper les jupes au genou, et Antoine alors de cisailler le chignon qui est resté derrière, et la garçonne était née. Parce qu'Antoine était toujours inopiné mentalement et moralement par cette fameuse coiffure de Jeanne d'Arc qui était la première femme qui avait coupé ses cheveux avec autant de lune. Et il a fait la révolution sur Joséphine Baker, bien sûr, en la rasant, en la gominant et en lui faisant les accroche-cœur. Voici déjà Joséphine Baker, nous y reviendrons, et voici la garçonne, qui est un roman de Victor Marguerite au milieu des années 1920, qui tout à la fois a fait scandale et a obtenu un immense succès de librairie. Ces années folles, elles existent dans nos imaginaires, entre autres parce qu'elles ont une forte identité visuelle. Les évoquer, c'est tout de suite avoir des images, et parmi ces images, peut-être la première qui nous vient en tête, c'est celle d'une jeune femme avec une coupe courte, une coupe dite à la garçonne. C'est vrai que ces coupes courtes pour les femmes sont vraiment l'emblème des années folles et semblent aussi introduire une rupture forte avec la période précédente. Même si, en fait, des femmes qui se font couper les cheveux, on a quelques exemples, mais ce sont c'est dans une démarche de distinction individuelle avant la guerre, donc quelques artistes, notamment, le témoignage évoque l'œuvre du coiffeur Antoine. Antoine est célèbre pour avoir coupé les cheveux d'Ève Lavallière, donc qui était une artiste. Un grand succès. Un grand succès avant-guerre. Mais c'était un moyen pour quelques personnalités hors normes de se démarquer, de jouer, de s'inventer un personnage aussi. Ce qui change après la guerre, c'est que cette pratique se diffuse, se démocratise. Nouvelle silhouette de la femme, il n'y a pas seulement les cheveux, qui est une façon d'afficher une liberté neuve, non ? C'est tout un ensemble, en fait. Le cheveux courts, robe tubulaire, les corsets, alors, dans la réalité, ne disparaissent pas totalement, mais un certain nombre de femmes les rejettent. Quand même, Poiret, le fameux couturier, les avait supprimées dès avant 1914. Dès avant 1914, mais de nouveau, c'était quand même auprès d'une petite élite. On est dans le domaine de la haute couture, ça ne se démocratise pas encore, ça ne se diffuse pas encore. Et cette diffusion, en fait, elle ne survient pas comme ça du jour au lendemain après la Première Guerre mondiale. Hein. Toutes les années 10 déjà la prépare. C'est une demande sociale qu'il y a derrière. Ce n'est pas simplement un choix de la haute couture qui descendrait comme ça vers la société. Il y a toujours un dialogue entre l'un et l'autre. Tout à fait. Mais on constate de fait que la haute couture et cette aspiration sociale à une libération des corps féminins conduisent à un abandon, général, du moins largement répandu. La silhouette féminine n'est plus une silhouette corsetée dans les années 20. Au contraire, la taille est basse et les formes féminines ont plutôt tendance à être masquées. Allongement du buste, effacement des hanches. Effacement des hanches, aplatissement de la poitrine, donc une silhouette tout à fait nouvelle. Parfois avec des bandes velpeau. Exactement, oui, parce que toutes les femmes, pour le coup, on parle de libération du corps, mais tous les corps féminins ne correspondent pas, non pas du tout forcément cette silhouette un peu androgyne et cette absence de forme. Donc pour les femmes qui avaient des formes, c'était plutôt contraignant. Il fallait il fallait les cacher, alors que quelques années avant, on les exposait, on les mettait en valeur. De façon topique, c'est un exemple de la rencontre entre l'aspiration à une liberté et la réalité de contraintes nouvelles. Tout à fait. Ce qui s'impose, c'est l'idée que voilà, une femme, c'est sa ligne, et donc il faut entretenir sa ligne. Et si on ne l'entretient pas, si on ne la façonne pas à force de corset, eh bien, on a d'autres moyens. Vous évoquiez les bandes de velpeau, mais aussi la gymnastique. Il faut prendre soin de sa ligne, et c'est une nouvelle tyrannie qui commence à prendre son essor. Tyrannie du bronzage au lieu de la tyrannie du teint de lisse. C'est pas encore une tyrannie, parce que la mode du bronzage, elle émerge à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on assiste aussi à ce tournant-là, qui est le signe d'un nouvel idéal de vie, d'une manière générale. Hein. Vie au plein air, cette idée aussi que la femme n'est pas, j'allais dire, confinée, pour utiliser un mot très à la mode en ce moment, enfin, dont on entend beaucoup, qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Elle n'est plus confinée chez elle. Elle sort, le corps se libère, bouge, et donc on peut aussi prendre le soleil et un renversement des valeurs associées au bronzage, au teint hâlé, alors qui débute dans ces années 20. Mais ça va vraiment, il faut encore les années 30 pour que cette mode devienne vraiment une mode à grande échelle. Cette évolution des modes, elle est signée. Il y a des grands noms, Sonia Delaunay, Jean Patou, Coco Chanel. Oui, de grands noms qui incarnent donc ces innovations, qui œuvrent dans le domaine de ce qu'on appelle la haute couture, mais dont les créations se diffusent quand même, ne sont pas uniquement cantonnées à une petite élite, grâce aux patrons que la presse féminine peut reproduit, donc des petites maisons de couture, et puis presque toutes les femmes savent coudre en plus à l'époque, hein, ce qui fait que la société suit, quoi. Il n'y a pas une petite élite qui serait totalement coupée du reste de la société française. Les garçons portent aussi un chapeau cloche. Les garçons portent des chapeaux cloches. Alors, la coupe à la garçonne, en fait, il y a plein de coupes courtes. Elles ne sont pas toutes à la garçonne. Il y a aussi une manière de dissimuler ses cheveux longs, comme le rappelait l'archive qu'on a écoutée, en chignon derrière. Donc, d'avoir donné l'impression d'avoir une coupe courte sans vraiment avoir besoin de se couper les cheveux. En fait, tout cela reste très féminin. Cette mode est d'ailleurs liée à l'expansion du sport, et notamment du sport féminin, celui que rejetait avec tant de passion Pierre de Coubertin, profondément misogyne, qui ne voulait pas qu'il y ait des Jeux olympiques féminins. Certaines sportives remarquables à l'époque contribuent à l'évolution aussi du style de la mode. Est-ce que je me trompe ? Non, bien sûr, la mode vient au sport et le sport vient à la mode. Et Suzanne Lenglen, donc qualifiée de plus grand champion français par la presse au début des années 20, où elle enchaîne les victoires sur les courts de tennis, a aussi été une icône de mode, en tout cas soignait vraiment beaucoup son apparence, pour aussi contrer ce discours qui voudrait que les femmes sportives sont des femmes viriles, inélégantes, hein. C'est qui était la grande peur, quand même une grande peur sociale. Hein. Donc les sports, la gymnastique, oui, et certains sports, et beaucoup d'autres sports, non. Donc le développement du sport féminin dans les années 20, il est encouragé d'une certaine manière et puis entravé d'une autre par un certain nombre de préjugés touchant au corps des femmes qui est vu par une grande partie de la société comme un corps fait pour procréer. Hein. En témoigne ce texte de Pierre de Coubertin, le fondateur illustre des Jeux Olympiques. Il disait « impratique, inintéressante, inesthétique ». et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect, telle serait à notre avis cette demi-olympiade féminine. Ce n'est pas là notre conception des Jeux olympiques dans lesquels nous estimons qu'on a cherché et qu'on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici, l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin, écoutez bien, et l'applaudissement féminin pour récompense. On est en 1912. Il faut souligner quand même que dans les années 20, rendre hommage quand même à ces femmes qui ont milité pour le développement du sport féminin et notamment pour l'intégration des femmes aux Jeux Olympiques. Et devant le refus du comité olympique, ont créé des Olympiades féminines auxquelles on a refusé d'ailleurs le titre d'Olympiade. Et ce qui a conduit finalement, peu à peu, vu le développement et le succès de ces Olympiades, à l'intégration finalement des femmes, peut-être soit dans un esprit d'ouverture ou peut-être aussi pour maîtriser la chose, les femmes finalement ont eu le droit à des épreuves aux Jeux Olympiques, de manière très limitée quand même. Il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour qu'il y ait plus de 10% des sportifs qui concourent aux Jeux Olympiques qui soient des sportives, donc ça a été très long quand même. Alors il faut en venir maintenant à un autre aspect, ce que nous avons dans l'oreille quand nous pensons aux années 1920, ces années folles que nous considérons ce matin. Pensez à l'arrivée du jazz, et plus largement de la musique qu'on appelait négro-américaine. Je vais vous donner à entendre le témoignage de Madeleine Millot, qui était une librettiste et une comédienne de haut vol. Et elle s'exprime justement sur la revue Nègre. En fait, c'est la femme de Darius Milhaud, qui est un des musiciens du fameux groupe des Six. C'est un extrait du Matin des musiciens de Philippe Morin, le 23 septembre 1987. C'était absolument extraordinaire, ça nous a passionnés. Darius avait déjà vu des spectacles de ce genre, donc, puisqu'au fond, il en avait vu en Amérique, mais je dois dire que c'était un spectacle extraordinairement réussi. Ils n'étaient pas nombreux, c'était une petite compagnie, mais ces femmes qui avaient monté ça, qui sont des femmes de Chicago, dont je ne me souviens pas le nom, avaient monté ça avec un goût impeccable. Ces numéros de claquettes qui étaient assez, paraissaient périlleux et puis ce personnage stupéfiant qu'a été, c'était une explosion, qu'a été Joséphine Baker à 19 ans. Personnage comique, irrésistible, avec un corps d'acier, superbe. C'est impossible d'oublier ça. C'était la beauté. Était-ce un garçon, était-ce une fille, ça n'a pas de... C'était vraiment la statue en mouvement. Du reste, la mode a changé, la mode féminine a changé cette semaine-là, que le lendemain, les couturiers ont été obligés de transformer leur modèle et de prendre une autre direction, parce qu'elle présentait tout d'un coup un corps différent de ce que l'on imagine en pensant au corps féminin. Il n'y avait rien d'ambigu. Et les franges, cette coiffure, est-ce que ça date de cette époque-là? La gominia était à la mode. On s'appliquait de la gominia sur le haut de la tête, en fait, pour coller les cheveux. Tandis que là, c'était ces accroche-cœurs, absolument, qui sont classiques, qui sont devenus tout à fait célèbres, mais qui faisaient partie du personnage. Et puis ces yeux écarquillés qu'ont les nègres... dont il faut pas, qu'il faudrait même pas citer parce que ça a l'air péjoratif, ça a l'air de les ridiculiser, mais qui allait tellement bien avec son personnage que ça devenait harmonieux finalement. Cette revue Nègre nous a subjugués à un tel point qu'en dehors de la première représentation, nous avons décidé de retourner le lendemain. Et puis c'est devenu une habitude, c'est-à-dire qu'au fond, si nous avions à sortir, dîner en ville, quand nous sortions de chez nos amis, nous regardions, on ne pouvait encore voir la revue pendant une demi-heure, clac, on partait à la revue Nègre, on restait debout, n'importe comment. Nous avons vraiment été voir la revue Nègre tous les soirs, parce que c'était impeccable de chic, d'élégance, de retenue, sans excès, sans vulgarité. La revue Nègre était donnée au théâtre des Champs-Élysées à l'époque. Et Joséphine Baker, rétrospectivement, prend figure d'une personnalité symbolique de ces années 20. Et en même temps, une actrice essentielle dans l'évolution des goûts, des comportements à l'égard de la musique et des spectacles. Oui, c'est vraiment, c'est l'icône des années folles, Joséphine Baker. Et la revue Nègre, c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure pour le roman de Victor Marguerite, c'est à la fois un immense succès et aussi quelque part un scandale. Hein. Au début, c'est un scandale qui se transforme en succès, non? C'est quasiment instantanément un succès, hein, mais qui a ses détracteurs. Comment définiriez-vous son art, l'art de Joséphine Baker, Myriam Juin? Donc c'est une danseuse, hein, après on la connaîtra aussi chanteuse, même actrice, un peu pour le cinéma, mais c'est d'abord une danseuse qu'on découvre. J'ai deux amours, mon pays et la France. Ouais, ça vient un peu après. Et c'est une danseuse qui a développé une personnalité un peu originale, parce qu'elle est à la fois donc, danseuse de Charleston, une danseuse très, très physique, acrobatique, mais avec un personnage comique. Donc elle joue à la fois sur voilà sur son dynamisme, son érotisme, son corps est largement dénudé, et puis sur cette veine un peu burlesque, donc un mélange qui est très très original, d'étonnant, et qui a énormément plu, hein, et qui en fait elle se fait remarquer avant même qu'on découvre le spectacle sur les affiches que Paul Collin en propose, et c'est lui qui va la mettre. Elle n'avait pas la vedette du spectacle, hein, ce n'est pas une vedette quand elle arrive. Collin, immense affichiste, qui d'ailleurs est significatif de l'essor de la publicité sur les murs à ce moment-là. Mais restons sur Joséphine Baker, qui a fait des tournées en Europe et dans le Nouveau Monde aussi. Alors, elle est américaine, hein. Elle va adopter la France, qui l'adopte aussi, enfin, c'est une adoption réciproque, hein. Mais d'emblée aussi, c'est une artiste qui rencontre un succès international, hein, qui va se produire à Berlin, à Vienne, en Amérique du Sud, enfin vraiment, dont le succès est très rapidement, enfin vraiment international. Et ça aussi, quelque part, ça me paraît représentatif. C'est pas la première fois, hein, qu'une vedette de la scène rencontre le succès, voilà, un peu partout dans le monde. Mais ce vedettariat, vraiment à grande échelle, l'ampleur du phénomène me semble quand même caractéristique du développement aussi des médias de masse, hein. Sa voix, elle va, ses chansons, elle va les chanter sur scène, mais aussi les diffuser par les disques, hein. L'industrie du disque se développe à la même époque. C'est une autre grande donnée effectivement des années 20, l'essor du disque aux États-Unis puis en France. Puis en France, et la radio, bien sûr, hein. Donc cette grande célébrité, ce succès, hein, planétaire, sans être une nouveauté absolue, atteint des proportions et touche un groupe croissant, je dirais, d'artistes. Et ça, c'est quand même assez représentatif aussi de ces années d'après-guerre, du développement d'une culture de masse qui existait déjà avant, mais qui, par le développement des médias également de masse, hein, a atteint une nouvelle échelle, quoi, et contribue aussi à une certaine convergence des sensibilités à une échelle qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Elle incarne l'arrivée du jazz. D'où vient d'ailleurs cette expression? Alors la musique, elle, on sait d'où elle vient, de la Nouvelle-Orléans. Et le terme de jazz commence à s'imposer dans les années 10, mais en tout cas son adoption, enfin il ne fait pas l'unanimité, quoi, même à l'époque. Et puis ce qu'il désigne est finalement très nébuleux. À l'époque, ce n'est pas un genre de musique, ça recouvre beaucoup de musiques différentes. C'est le grand succès de Duke Ellington, par exemple, à New York. C'est l'époque du succès, oui, de Duke Ellington, au Cotton Club. Le premier disque de jazz enregistré par l'original Dixieland Jazz Band a beaucoup contribué à la popularité du terme de jazz, hein, même si ça s'écrivait pas avec des Z, mais avec des S. C'est aussi l'arrivée concomitante de Charleston, danse qui vient largement détrôner le tango, qui était lui le fils des années 1900, qui était arrivé d'Argentine, le Charleston. Le Charleston, c'est peut-être la danse qui a eu le plus de succès, et un succès assez durable, mais un engouement général pour les danses américaines ou latino-américaines, hein, dans ces années 20. Il y a une dansomanie, hein, pour reprendre une expression de l'historienne Sophie Jacotot, qui s'empare, hein, de la société, en particulier en France, puisque la danse était officiellement interdite pendant la guerre, même si on a dansé quand même. Et le Charleston est peut-être aussi, voilà, si on cherche les emblèmes des années folles, la danse emblématique des années folles, que, sauf erreur, la Revue Nègre fait découvrir aux Français. La Revue Nègre, c'est alors, ça nous rappelle aussi ce qu'est le jazz à cette époque. C'est beaucoup, hein, c'est un jazz de scène, c'est un jazz qui se danse, hein, c'est un jazz qui propice vraiment au défoulement des corps. Hein. Ça deviendra après aussi, il y aura aussi du jazz symphonique, hein, d'autres formes de jazz. Mais là, le jazz pour lequel le monde s'emballe, là, au sortir de la guerre, c'est ce jazz qu'on danse, entre autres sous forme de charleston, et donc charleston qu'amène la Revue Nègre, dont le succès est immense, parce qu'on découvre cette danse, parce que c'est un spectacle original, et pour les Français, parce que c'est la découverte de Joséphine Baker, et ça c'est vraiment inoubliable. D'ailleurs, le témoignage de Madeleine Millot date de 87, hein, donc on sent que le souvenir est vif, hein, elle le dit, ça ne pouvait pas s'oublier. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Ces années folles, Myriam Juhans, sont aussi celles, encore un chrononyme, sont aussi celles du triomphe de l'art déco, une formulation qui est elle-même plus tardive, qui n'est pas contemporaine, qui a été forgée à partir de l'exposition internationale des arts décoratifs, 1925, mais qui a mis du temps à s'installer et devenir presque parfois un synonyme de l'expression années folles. Oui, bah les arts déco, justement, cette dénomination s'impose justement aussi dans les années 60. Comme quoi, il y a un moment années 20 dans les années 60. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art déco par opposition à l'art nouveau d'avant 1914? Alors, l'art déco, donc c'est quelque chose dont on voit en fait les prémices déjà aussi avant-guerre. Les ruptures sont rarement franches, hein, dans le domaine artistique ou culturel. Enfin, il y a quand même quelques révolutions, on en reparlera, des gens qui veulent vraiment la rupture. Mais l'art déco, là, on n'est pas vraiment dans une rupture complète. C'est un nouveau style, hein, d'architecture, mais aussi plus général, de décoration intérieure, hein, qui privilégie les formes géométriques, la symétrie. Mais encore de la décoration. Mais avec beaucoup de décorations, voilà. Et d'ailleurs, des décorations où on peut trouver aussi des courbes. Hein. Ce ne sont pas que des lignes droites, même si l'art déco aime beaucoup les lignes droites. On est très loin de ce qu'on a appelé l'architecture moderne, qui au contraire prône une épure, un retour au fonctionnalisme, hein, des objets et des espaces habités. Il demeure de nombreux témoignages architecturaux de cette période. Je ne peux pas en faire l'inventaire, mais si on habite à Cherbourg, on peut aller voir la majestueuse gare maritime. Si on habite à Saint-Quentin, on peut voir l'école de plein air Geneviève Coulon. Et si on habite à Paris, on peut aller voir l'entrée du cimetière de Passy ou la très belle immeuble de Sauvage, rue Bréa. J'en passe, et d'excellent. Oui, c'est vrai que du coup, ces années folles ont laissé une empreinte dans les paysages. Hein. Ça contribue à leur identité. Avec les grands noms de Miles Stevens et bientôt de Le Corbusier. Oui, qui sont plus dans le modernisme, justement, qui rejettent l'art déco, qui le trouvent trop ostentatoire. Mais alors, il faut distinguer aussi du Bauhaus, qui est également un fait de ces années 20 du côté de Weimar, puis de Berlin. Oui, alors le Bauhaus... Pour le coup, on est très proche de Miles Stevens, Le Corbusier, hein, donc avec une recherche d'épure, même si on l'a parfois un peu exagéré aussi, hein, cette idée. Voilà. Quelque chose de plus fonctionnel, hein, où on doit concevoir des machines à habiter, des choses qui ne sont pas pleines de fioritures, qui ne font qu'exprimer finalement aux yeux de ces architectes, de ces décorateurs, un goût bourgeois qui est vilipendé. Ces années 1920, ces années folles, Myriam Juhans, ce sont aussi celles de l'audace des avant-gardes qui sont très largement, qui se posent en réaction à la barbarie de la guerre civile européenne 1914-1918. Comment définiriez-vous ce rôle, en particulier celui de Dada, qui naît pendant la guerre et qui a beaucoup compté et pesé? Nous l'avons revérifié en France à l'occasion de la très belle exposition qui avait été donnée au Centre Pompidou en 2005. Alors là, on est vraiment dans une volonté de rupture, pour le coup, forte, hein, avec tout ce qui a précédé, un rejet de ce qui a précédé et qui a mené dans l'esprit, hein, de tous ces artistes, hein, qui sont à l'origine de Dada, qui a mené en fait à la catastrophe, hein, la Première Guerre mondiale. Donc il faut changer l'art parce qu'il faut changer la société. Et donc il faut détruire, hein, faut détruire dans un premier temps. Oui, je vais vous faire entendre les propos de Tristian Tzara, qui est un des fondateurs du mouvement Dada, et également de Philippe Soupeau, qui ensuite a évolué vers le surréalisme et vers la radiodiffusion, où il a brillé, et qui évoque ce que cela a représenté. Dans ce manifeste Dada de 1918, Tzara marquait un rejet absolu du monde qui avait permis ce carnage. Il disait que chaque homme crie, il y a un grand travail destructif, négatif, à accomplir, balayer, nettoyer. La propreté de l'individu s'affirme après l'état de folie. Là, c'est une folie inverse, de folie agressive, celle des combattants, de folie agressive complète d'un monde laissé entre les mains des bandits qui se déchirent et détruisent les siècles. Et maintenant, la voix de Tsara lui-même avant Soupeau. Dada est né en 1916, en pleine guerre mondiale à Zurich, en Suisse. Nous étions quelques jeunes poètes, écrivains, peintres, qui étions profondément dégoûtés de la guerre. Et dans ce dégoût, nous englobions aussi bien les formes sociales qui avaient engendré cette guerre que les formes d'art qui en résultaient. Et il faut dire que la logique, par exemple, pour nous, a été un des chevaux de bataille contre lesquels nous nous sommes rués avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Nous voulions ressortir l'absurdité de la vie, enfin ce côté absurde, si vous voulez, de la vie, qui échappe au contrôle de la logique et de la raison, et qui faisait que ces guerres pouvaient avoir lieu à ce moment-là et les désordres dans lesquels nous vivions. Nos préoccupations n'étaient pas uniquement d'ordre social, car nous étions avant tout des artistes, et nous avions fait nôtre la phrase de Rimbaud, maintenant je sais que l'art est une sottise. Ça a été une révolte, mais une révolte merveilleuse. Il fallait absolument faire table rase. Et quand on me demande qu'est-ce que c'est que Dada, au fond c'était la table rase. C'est-à-dire qu'il fallait supprimer tout, il fallait recommencer depuis zéro. Eh bien, Dada a eu cette vertu merveilleuse de supprimer tout et de dire zéro, zéro, nous ne croyons à rien, nous refusons tout le monde, nous commençons à zéro, à bas la littérature, à bas la poésie, à bas tout, à bas la peinture, etc. Et même, je dois vous dire une chose, nous avons sacrifié une génération. Nous avons sacrifié des grands poètes comme Reverdy, des grands poètes comme Sandra, même comme Apollinaire. Ils n'ont revécu que 25 ans après le Dada. Je regrette que les jeunes gens de 20 ans, les jeunes gens de 18 ans, ne nous sacrifient pas. Parce que je considère que, précisément, un mouvement Dada en ce moment qui renierait, comme nous avons renié, qui détruirait, comme nous avons détruit, serait absolument indispensable en ce moment. Parce que la vie, c'est une destruction encore plus qu'une construction. Je ne sais pas si le dernier mouvement de la pensée de Soupeau est une coquetterie ou une sincérité, que chaque génération se débarrasse de ses prédécesseurs. Ce qui est certain, c'est que c'était le projet de Dada, en tout cas en son temps, ça a été le projet. Dada naît vraiment de et dans la guerre, hein, en 1916, ça a été rappelé, à Zurich, donc en Suisse, territoire neutre, en fait, où sont venus se réfugier un certain nombre d'artistes qui fuient les horreurs du conflit. Hein. Et de là, le mouvement va essaimer dans d'autres pays. C'est un mouvement qui a une dimension internationale et dont l'un des pôles les plus actifs au début des années 20 est Paris, où Tsara s'installe. Voilà, au début des années 20. L'idée, c'est vraiment de renverser la table, de faire table rase avec un esprit de dérision. Quoi. Le sérieux nous a menés à la guerre, donc le monde est absurde. Moquons-nous radicalement, mais avec une radicalité vraiment révolutionnaire, hein, moquons-nous de tout. Hein. D'où ce projet de se départir de tout esprit de sérieux, des valeurs existantes, de la logique même et de la raison, de tout ce qui semble avoir jusqu'à présent gouverné le monde et mené aux horreurs qu'il a connues. Le surréalisme qui se définit à partir de 1924 avec Breton est moins négatif. Est moins négatif et va davantage s'engager politiquement. Le surréalisme découle vraiment quand même de Dada et Breton, Soupeau, Aragon ont tous participé à Dada quand Tsara arrive à Paris et même avant, il correspondait déjà avant quand il était à Zurich, mais une rupture va s'établir parce que Dada est trop radicalement nihiliste, hein, ne construit pas et le surréalisme essaye de proposer finalement autre chose et va se rapprocher aussi de la, mais ça va aussi provoquer un schisme intérieur au mouvement de la révolution communiste au cours de la décennie. Cet esprit d'avant-garde colore également d'autres activités culturelles. Je pense par exemple au théâtre. Et par les temps qui courent, on a le goût spécialement de saluer ceux qui s'y sont donnés. Je pense au cartel des quatre, par exemple. Pitoëf, Jouvet, Gaston Batty et Charles Dullin. Je pense à l'influence en vue d'Allemagne de Piscator, qui voulait un théâtre populaire. Tout cela montre une grande vitalité, non ? Qui s'enracine en partie dans le refus de la guerre. Et de manière différente, selon vraiment les auteurs, les pays. On pourrait aussi citer Meyerhold, hein, dans le pays révolutionnaire par excellence qu'est l'URSS dans les années 20, où il s'agit de rapprocher de rapprocher le public, qu'il n'y ait plus de séparation entre la scène et la salle, que le public participe au spectacle, jusque parfois monter, même être appelé à monter sur scène. Succès des ballets russes, justement, puisque vous parlez de l'URSS, et des ballets suédois. Succès des ballets russes et des ballets suédois, qui sont une autre forme d'avant-garde, où il n'y a pas du tout cette volonté de rupture avec la scène. C'est une avant-garde plus, dont le projet n'est pas politique, hein, comme le théâtre de Meyerhold ou celui de Piscator. Je dirais aussi, parce qu'ils ont été évoqués, le cartel des quatre, c'est aussi autre chose. C'est une réaction, c'est finalement un théâtre assez bourgeois, une réaction contre le théâtre mercantile. Hein, donc il y a quand même différents projets. Il y a une grande effervescence, mais des projets qui prennent des voies assez différentes. Hein. Arrêtons-nous un instant sur le musical. Le mot est arrivé assez récemment du monde anglo-saxon, sur le cabaret. On appelait en France le café-concert. Écoutez donc cette évocation de Jean Vienner, qui était un grand musicien de l'époque, à propos des débuts du cabaret Le Bœuf sur le Toit, qui était rue Boissy d'Anglas, qui s'appelait d'abord Le Gaïa. C'est une archive de France Culture, le 1er janvier 1972. Un beau jour, quelqu'un est venu me demander si ça m'intéresserait de faire quelque chose dans un petit endroit. Un ami à moi avait acheté ce bail et voulait y installer un jeune garçon de Charleville. J'y suis allé, j'ai trouvé un énorme garçon d'1m90 avec des pieds et des mains énormes. Et qui m'a dit, voilà, excusez-moi, je ne connais rien, etc. Je lui ai indiqué ce qu'il fallait faire, je lui ai donné le nom des gens qu'il fallait prévenir, et surtout, j'ai téléphoné à Cocteau et à Darius Milhaud, qui me disaient toujours, ah, si on pouvait avoir notre bar. Alors, je les ai prévenus, ils sont venus voir l'endroit, et 15 jours après cette visite, on ouvrait le bar Gaïa, avec Louis Moïsès, qui était le grand jeune homme au grand pied. Et grâce à 10 coups de téléphone de Cocteau, et grâce à la gentillesse et la curiosité de tous mes amis, le lendemain de l'ouverture, on ne pouvait plus rentrer dans cet endroit. Et chose tout à fait remarquable, c'est que sur 50 ou 60 personnes qui formaient le maximum de clients imaginables dans cet endroit, il y avait 40 célébrités dans tous les genres. On y voyait aussi bien Mademoiselle Mistinguette avec deux grands magnifiques garçons que Léon-Paul Fargue, que Picasso et Stravinsky, que Mademoiselle Chanel. Enfin, vraiment, tous ceux qui existaient, je ne parle pas des rois qui y venaient et de la grande banque, et Ravel y venait et Satie, et enfin, je ne peux pas vous nommer tous les gens qui venaient là. Bien entendu, les Six, Millau, etc., Poulain, Coric. Vraiment, c'était absolument merveilleux. Et ça nous a permis de, si on peut dire, je ne peux pas dire que j'ai inventé quelque chose en jouant là de la musique négro-américaine, mais j'ai certainement hâté l'entrée de la musique négro-américaine dans la musique avec un grand thème. Ce récit rappelle d'ailleurs qu'il y a eu successivement dans Paris, il y a une géographie des lieux focaux où s'est concentrée la culture d'avant-garde aux différents moments. Ça a été Montmartre avant, maintenant c'est le quartier 8e, le quartier des Champs-Élysées, la Madeleine, et puis ce sera naturellement, simultanément, Montparnasse qui est fondamental. Nous avons un témoignage splendide qui est dû à Jean-Marie Drault, les heures chaudes de Montparnasse, 6 émissions, où il a enregistré tous ceux qui survivaient à l'époque, c'est-à-dire au début des années 60. Au moment où Le Bœuf sur le Toit est créé et est ouvert, hein, et d'ailleurs il ne s'appelle pas au départ Le Bœuf sur le Toit, c'est le Gaïa, comme on vient de nous le rappeler. Montparnasse hein, est déjà devenu le quartier par excellence hein, des avant-gardes. Hein, la Clos des Lilas, la Rotonde, la Palette. Le Select ouvre au cours de la décennie. Le Balbulier qui est de l'autre côté de la Clos des Lilas, qui maintenant est occupé par cet horrible immeuble qui s'appelle le Centre Jean Sarail. Et donc le Gaïa, il est, il est excentré par rapport à ce quartier qui est vraiment le cœur de la vie avant-gardiste et la vie nocturne des avant-gardes. Mais il jouit très vite d'une grande réputation. C'est un des endroits où ce qu'on appelle le tout Paris vient se réunir. C'est le lieu de rendez-vous notamment de Cocteau et du groupe des Six. Et d'ailleurs, il doit son nom du Bœuf sur le Toit à un ballet de Darius Milhaud sur un argument de Cocteau. Un nom qu'il a vite pris, parce que quand il ouvre, c'est le Gaïa. Et puis, je crois que dès 1922, il va prendre le nom du Bœuf sur le Toit à l'occasion d'un premier déménagement. Il y en aura beaucoup. C'est aussi un lieu qui est très fréquenté par la communauté homosexuelle. C'est un des éléments aussi, arrêtons-nous un instant, car certains ont dit que ces années folles étaient celles d'une certaine libération, certaine tolérance accrue. Cette tolérance a dû se concentrer dans des milieux assez étroits, non ? Oui, et ça dépend aussi des pays. En France, de toute façon, l'homosexualité n'est plus un crime depuis la Révolution française. 1791. Oui, mais c'est vrai que les homosexuels sont tout de même harcelés en cours des peines pour atteinte à la pudeur. Enfin, voilà, on ne peut pas dire... Question de majorité sexuelle qui sera levée, uniformisée seulement au début des années Mitterrand. Oui, très très tardivement. Donc on ne peut pas dire qu'on peut vivre son homosexualité sereinement dans la société des années 20. Mais il y a une plus grande visibilité dans les milieux intellectuels, artistiques. Et puis aussi à une autre échelle, d'ailleurs, et moins en France, où finalement l'homosexualité... Enfin, c'est revendications sont vécues sur un mode très individuel, individualiste. Il y a des mouvements en Allemagne, notamment le début des mouvements de militants pour les droits des homosexuels et pour l'abrogation de l'article du code pénal allemand, l'article 175 qui criminalise l'homosexualité masculine et qui l'a d'ailleurs en la mettant sur le même plan que la zoophilie, ce qui est absolument... Aujourd'hui, ça paraît fou, quoi. Ces années dites folles sont aussi celles d'une émergence de l'image, souvent aux dépens de l'écrit. Je pense à ce mot de Lucien Vogel, qui était le patron d'une magnifique revue de photographie qui s'appelait Vue. Il était lié à l'ami des Brunoff, de Babar, et qui disait « La vie trépidante d'aujourd'hui nous empêche de lire ». Ça évoque un peu quelque chose. Il faut voir. Nous sommes au siècle des images. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Peut-être dirait-il la même chose, parce qu'on n'en est pas sorti, il me semble. La photo, le cinéma, alors Vue, c'est un magazine de reportage photographique. On est dans l'essor du photojournalisme, où justement l'idée c'est de faire passer le sens. Alors par les images. On peut transmettre plus facilement grâce au bélinographe. Les images qu'on peut transmettre plus facilement, en effet, grâce au bélinographe, dont la qualité de reproduction aussi s'améliore grâce à la diffusion de l'héliogravure. Du coup, on voit des reportages, vraiment les premiers reportages photos. Alors, il y avait des prémices, mais ça se développe vraiment. Et puis, où la mise en page elle-même devient inventive et où le sens passe à la fois par l'image et la manière dont elle est agencée avec de plus en plus d'originalité. Parfois, les personnes qui font la mise en page signent les mises en page même, pour preuve qu'il y a le sentiment de créer quelque chose. L'émergence du photographe comme artiste. Nous approchons de la fin. On ne peut pas faire l'économie d'évoquer le cinéma, encore muet pour l'essentiel, jusqu'en 27, en tout cas 28, et qui a une importance considérable aux États-Unis avec l'émergence d'Hollywood et également en Allemagne et en France. Donc le cinéma, dans les années 20, c'est à la fois un divertissement de masse extrêmement populaire, à une époque où, par exemple, en France, la radio ne s'est pas encore démocratisée. C'est vraiment un divertissement qui est complètement rentré dans les habitudes, les mœurs, un loisir accessible à tous, en plus, même s'il y a une grande diversité, ça recouvre une grande diversité de réalités, entre les petites salles de quartier, dont l'accompagnement musical peut laisser à désirer, et puis les grandes salles, les grands boulevards, avec des orchestres, on a... des expériences, et même parfois pour le même film, qui peuvent être très très différentes, mais c'est à la fois donc un divertissement extrêmement populaire, c'est un média aussi, par lequel circulent à la fois des informations, les journaux cinématographiques existent et sont très appréciés. On commence à critiquer le cinéma. Oui, on a pris conscience aussi, on prend conscience, quand je dis on, c'est évidemment pas tout le monde, et c'est un combat justement, c'est un combat très important dans les années 20, mené par la première vague de cinéphile, de faire comprendre que le cinéma, c'est aussi un art, d'où l'émergence d'un discours sur le cinéma, d'un discours qui se structure, d'un discours qui cherche aussi à nommer les choses. On invente et on choisit tout un vocabulaire pour parler de cinéma, des revues des magazines, des revues spécialisées apparaissent pour porter la bonne parole, pour aider aussi le public à faire le choix des bons films, hein, suivant les critères évidemment de la critique de l'époque. Mais les écoles, l'expressionnisme par exemple, Fritz Lang, etc. Il y a beaucoup de débats sur ce que ça désigne et combien de films expressionnistes auraient vraiment été tournés. Ce qui est certain, c'est que c'est un courant et son influence a été considérable, hein, même si le nombre de films vraiment expressionnistes est sans doute assez limité. Et puis des avant-gardes, hein, qui cherchent à produire des films qui à la fois ne dépendent pas des autres arts, ne soient pas simplement du théâtre filmé ou de la littérature adaptée sur un écran, mais avec cette idée que le cinéma est le 7e art, c'est le moment où cette expression se popularise en France, c'est-à-dire à la fois le dernier des arts majeurs et la synthèse des arts qui l'ont précédé, donc l'art de notre temps, enfin pour les contemporains des années 20. Alors Myriam Juhan, avant de clore notre conversation sur les années folles, peut-être faut-il dire que sur le champ et plus encore après coup, des voix se sont élevées pour s'indigner. Le maréchal Pétain, en parlant de l'esprit de jouissance, se référait clairement à cette période. Robert Brasillach était peut-être plus nuancé. Dans Notre avant-guerre, qui paraît juste avant la débâcle, il écrivait « Nous arrivions dans une vie dont nous pensions qu'elle était folle et pleine d'une ardeur exubérante et que l'argent y était facile et tous les plaisirs permis. » Il dit ça et en même temps, il prend du recul. Le jugement que les contemporains eux-mêmes portent sur cette décennie dans les années 30 est fait de sentiments mêlés, où parfois c'est une condamnation franche, hein, de ce qui est considéré comme des excès auxquels la société se serait livrée. Et je pense pour certains aussi, c'est quand même le souvenir de leur jeunesse, d'où un regard un peu ambivalent, hein, sur ces années folles. Mais les premières occurrences de l'idée de folie associée à cette décennie, elles sont péjoratives. C'est l'idée d'une décennie qui est malade, hein, qui ne se remet pas de la guerre, qui est détraquée par cette guerre, hein, et qui va mal. Et qui plus est, comme ces premières occurrences, elles sont postérieures à la période, ce qui arrive dans les années 30 tend à donner raison, puisque ça c'est quand même mal fini, cette histoire. Hein, okay. Alors pour finir, un texte d'un auteur assez représentatif de cette distance. Il s'agit de Jean-Pierre Maxence, qui a publié un livre qui s'appelait « Histoire de 10 ans », de 1927 à 1937, qui critique notamment les États-Unis, leur influence. C'est un texte lu par Claude Dominique dans « Le passé singulier » de Claude Dominique et de Michel Vinocq sur France Inter le 18 novembre 1983. Paris reste bruyant, mais c'est d'un éclat qui déjà pâlit et qui ne se renouvelle guère. On parle toujours optimisme dans les sphères officielles, mais on répète le mot plusieurs fois par discours, comme s'il était nécessaire pour maintenir la France de bonne humeur d'employer maintenant la méthode Coué. La machine tourne, un grain de sable s'y est introduit, elle grince parfois. On crie alors qu'on va augmenter le rendement pour n'avoir pas à entendre ce grincement de mauvais augure. Ce qui était désir spontané, appétit sain, tente à devenir besoin frénétique. Partir, c'était hier pour l'aventure, cela risque d'être demain pour partir. Les modes elles-mêmes s'exagèrent. On boit des cocktails presque sans plaisir pour les boire. On fait du nudisme, non par hygiène, mais par snobisme. On s'invente un dieu nouveau, l'Amérique, qu'on révère en bloc. Vedette, financier, machine et cœur. La vitesse n'est plus une ivresse, mais une habitude tyrannique. Les sensations s'émoussent en se multipliant, les émotions se standardisent en se succédant. On reste exigeant, mais on exige en quantité plus qu'en qualité. Il faut que tout croisse, les dividendes, les lois, les spectacles, les livres, les pactes, les religions. Le mot « faire neuf » ne signifie plus « créer », mais « produire ». On raffole du progrès, cela devient un crime de le mettre en doute, ou une sottise. On a même baptisé ce siècle le siècle de l'électricité. Ces dieux ont des noms anglo-saxons, ils s'appellent Ford, ou Hoover, ou Kellogg. Ces paradis comme ces dieux, ils se nomment New York, Chicago, Hollywood. Tout le monde a la fièvre, du plus influent des ministres au plus modeste chasseur d'hôtels, tout le monde parle affaire, tout le monde court, l'argent coule, on en veut chaque jour davantage. On peut rappeler que Ford était le grand industriel que nous savons, que Hoover était un président des États-Unis, que Kellogg, c'est lui qui, comme secrétaire d'État, a signé le pacte qui abolissait la guerre. Et Kwe Kessité est mort précisément au milieu des années 20. C'était un pharmacien de Nancy qui avait inventé le principe de l'autosuggestion. Si vous vous dites que tout va bien, tout ira bien. Et peut-être cette méthode Kwe a-t-elle aussi discrètement marqué les années folles ? Ce témoignage, il est vraiment représentatif des connotations négatives, hein, du regard moralisateur qui a pu être porté sur ces années, et donc des connotations négatives de cette idée d'années folles. Maxence a été d'ailleurs un serviteur, j'allais dire un suppôt, de la Révolution nationale. Oui, mais on entend déjà Pétain, l'esprit, la condamnation de l'esprit de jouissance, c'est tout à fait ça, donc un an avant que Pétain prononce son propre discours. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout en prononçant un jugement moral qui n'engage que lui, il relève des phénomènes qui sont à l'œuvre, hein, et sur lesquels on a pu porter un regard positif, hein, ce désir de faire la fête, cette fascination pour les États-Unis d'Amérique, hein, à l'heure d'une forme de première américanisation qui passe par le jazz, on l'a vu, et par le cinéma. Là, il y a un refus, comme chez Duhamel, scène de la vie. Mais voilà, qu'il a. Une hargne, même une haine, une détestation. Une détestation. De ce qui arrive d'outre-Atlantique. Oui. Et de ce qu'on appelle pas encore, mais qui constitue les prémices de la société de consommation. Dans les années 20, marque le début, même si on ne s'équipe pas encore de tous les outils de la modernité, mais on. Certains commencent à arriver, les aspirateurs, la modernisation des intérieurs, hein, donc de nouveaux objets qui vont faciliter la vie, qui ne se démocratisent pas encore, hein, mais dont on commence à prendre connaissance par la publicité, un nouveau mode de vie, et qui est aussi une vie accélérée, et puis qui peut entraîner, alors c'est pas le cas en France, hein, mais ça l'est plus aux États-Unis, des formes d'endettement, hein, même individuel, pour s'équiper justement, pour avoir accès à des biens de consommation désirables, hein, comme la radio. Les Américains s'équipent beaucoup plus que les Français dans les années 20, et ça se fait en partie, c'est vrai. 12 millions de postes aux États-Unis en 1930 et un demi-million seulement en France. On rattrapera un petit peu le retard dans les années 30. Je laisserai à nos auditeurs la comparaison possible avec les nouvelles technologies. Plus largement, chacun prolongera comme il le souhaite ces réflexions sur les années 20. Merci d'être venu à ce micro. Votre livre s'appelle « Les années folles » dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Et c'est un livre qui vient de sortir. Et puis j'ai fait allusion et je rends hommage au livre de Dominique Khalifa qu'il avait dirigé, qui s'appelle « Les noms d'époque de restauration à années de plomb » paru l'année dernière chez Gallimard. En 2020, le chapitre d'Emmanuel Retailleau, « Années folles, rugissantes ou dorées », nommé « Les années 20 », est particulièrement inspirant. Nous l'avons montré chemin faisant. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site. Samedi prochain, nous parlerons des Grecs et des Romains. Quelles limites pour leur monde ? Fascination de ce qui est sur le point de vous échapper à l'époque. Ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en disaient, ce qu'ils en ont vu ou ce qu'ils en ont rêvé. Et je recevrai pour en parler Maurice Sartre. Lundi matin, vous retrouverez le cours de l'histoire à 9h, vous le savez, de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine à l'histoire des rivalités régionales. Et maintenant, place au Charleston et à mon générique de fin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Yves Lehors à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'INA, Hervé Evano. Et dans quelques instants, le témoin va être passé à Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.